Écoute, prolonce, laissez faire, bien sûr que non, y'a la viande, y'a les fauves, les gorilles, y'a les guenons, avance, la peur au ventre, tu sais que t'as le choix, même si c'est le soir que tu règles les affaires urgentes. Des mots, des fautes, des mots d'histoire, tu sais que c'est pas la fin, mais juste un mot de l'histoire. Vite tes rêves et ne fais pas l'inverse, même si le soleil brille après l'averse, il reste beaucoup des nœuds, pas les mêmes chances, c'est fou comme ça nous heurte. L'égalité est mort, je fus témoin du meurtre. Ça par exemple, le cœur exempt, car j'épice le sang. Ailleurs, c'est la même, donc dis-moi pourquoi ficher le camp. D'où je viens, c'est le domaine des pauvres, car la rue accouche encore, fait pas de ménopause. Écoute, ici on se bat et on se laisse pas crever, donc si tu veux en finir, why, je ne lâche rien, sache bien que là je viens sans clash, bien qu'à l'âge d'un vétéran en marre, regardant près de son visage les siens. Quand le temps passe enfin, même si les souvenirs fâchent, me voilà ferrant les bons moments, ceux qui ont rapproché plutôt que déterrant la hache. Rappelle-toi ce lien sacré qu'est l'amitié, même si la moitié est fausse ou très vraie, regretter quand l'âme de l'homme est tuée. Alors ma main se tend, car il n'est jamais loin, se tend, quand on descend sur le micro comme lorsque on était adolescent, dépoussiérant la couverture de mon calepin inscrit au marqueur. Ce type, c'est Sian pour la technique, mon groupe de cœur. Toute une vie à se demander si c'est vrai. Est-ce qu'on vit le réel ou l'imparfait? Est-ce qu'on a le droit de vivre? A-t-on le droit de rester libre? Toute une vie à se demander si c'est vrai. Est-ce qu'on vit le réel ou l'imparfait? Est-ce qu'on a le droit de vivre? A-t-on le droit de rester libre? C'est difficile de croire que t'es parti pour toujours. J'ai souvent la gorge serrée quand je repense à notre parcours. Le temps passe vite, on est déjà à court. On est un peu comme du gibier pris dans une chasse à courge. Je verse une larme pour ceux que j'ai perdu. Plus le temps passe et plus les choses sont tendues. Je compte plus les appels à l'aide que j'ai déjà entendus. En marge de la société, v'là les enragés. Y'a tellement de milieux qui nous ont dégagés. Y'a pas mal de choses qu'on ne peut plus digérer. On n'accepte pas de se faire diriger. Ah t'es crack, la clique reprend du service. Ça rentre dans tes oreilles, ça se transforme en varice. Dans mon pays, 19ème, ça sent le mafé. Ne me raconte pas trop d'histoires que t'as pas fait. On a mangé des pierres, on a lancé des pavés. On a défendu les frères et ta vie, on l'a rêvé. Les chiens sauvages sont de sortie, cachez les chips, les clopes et la zotie.